matin, vous m'attendiez impatiemment. Dans vos habits de nuit encore, vous m'embrassiez si tendrement. Vous m'aimiez tant. Des gens idéaux, des gens sans histoire. Vous étiez des gens tellement beaux. Des gens idéaux, des gens sans histoire. Vous étiez des gens tellement. Tout était prêt dans la maison, accueillir l'enfant adoré. Les mêmes regards l'hiver, l'été, rien ne m'était oublié. Vous m'aimiez tant, et moi autant. Des gens idéaux, les gens sans histoire. Vous étiez des gens tellement beaux. Des gens idéaux. Des gens sans histoire. Vous étiez des gens tellement. Et le temps passait doucement, les mêmes journées, l'hiver, l'été. Je me souviens de la tranquillité et la douceur de vos histoires. Et moi autant. Croyez en l'éternité, au temps qui passe sans tout casser. Toujours je serai votre bébé, tout ça ne finirait jamais. Finirait jamais. Des gens idéaux, des gens sans histoire, et des gens tellement beaux. Des gens idéaux, des gens sans histoire, vous étiez des gens tellement. J'arrivais tôt le matin, vous m'attendiez impatiemment. Dans vos habits de nuit encore, vous m'embrassiez si tendrement. Vous m'aimiez tant, et moi autant. Vous m'aimiez tant, et moi autant. Vous m'aimiez tant. Don't.